Ouais, ça fait longtemps Pourquoi que je suis tu es un pas robot? Ouais, je suis un robot. Je suis le Bonjour, nouveau Sharon. Je Bonjour. suis un cyborg. Bonjour, monsieur Ben. Et t'étais passé où, toi? Tu joues de la guitare, non, il me semble. Non, de la basse maintenant. Oh, bah ça fait longtemps qu'on s'est pas À une vu, hein. époque, tu jouais de la guitare, je crois. À l'époque. Donc, ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Allez, prends ta guitare, Sharon. Je sais plus jouer de la guitare. La guitare. D'ailleurs, c'est même pas la peine que je la sorte parce que je crois que Attends, je peux j'écorche monter le la son bête. parce que je n'entends pas. Allô? J'étais très loin. Il a un? C'est mieux? Ouh, il y a quelqu'un. Très longtemps. Très très longtemps. Attends, mais j'ai pas de volume là. Moi, je t'entends super Je bien. teste un truc. Oui, attends. Ouais, c'est mieux. C'est toi, Bad Bass Girl? Yes. Ah ouais. Bah oui. Ça y est, j'ai Logue-moi. monté. Logue-moi, Faudrait qu'on chante une chanson, mais. Normalement, j'ai mis un canal gauche, un canal droit. oui. Apparemment, on peut. On va Et voir. Un piano. je sais pas, moi Et j'ai ma tout sur voix. le même trip, hein. Seulement tout retranscrit. Faut prendre un casque, je pense. Oui, c'est mieux. En fait, on est tous les deux, quoi. Ouais, Il n'y et a pas toi? d'autres musiciens. Toi, moi et le robot.